Comment un moujik fit disparaître un bloc de pierre. Histoire vraie. Sur la place d'une ville se trouvait une énorme pierre qui était fort encombrante et gênait la circulation. On fit venir des ingénieurs et on leur demanda s'ils pourraient enlever la pierre et combien cela coûterait. L'un dit qu'il fallait la faire sauter avec de la poudre afin qu'on pût l'extraire morceau par morceau, et que cela coûterait 8 000 roubles. L'autre dit qu'il faudrait emmener un rouleau sur lequel on glisserait la pierre, ce qui reviendrait à 6 000 roubles. Un moujik dit alors: « Moi, je ferai disparaître la pierre et je ne prendrai que 100 roubles. » On lui demanda comment il procéderait et il répondit: « Je creuserai près de la pierre un grand fossé, je ferai tomber la pierre dans le fossé, puis j'égaliserai le terrain. » On le laissa faire. Il reçut ses 100 roubles et de plus, à titre de gratification, 100 autres roubles pour son ingénieuse idée.